Chapitre 11e, Sir Hughes et son frère Archie. Le salon de la grande maison vit une nombreuse réunion de la famille Clavering le jour où le recteur arriva du presbytère avec les siens. On y comptait trois générations, car la nourrice portait dans ses bras le jeune héritier du nom. Naturellement, Mrs. Clavering et Fanny s'empressèrent de caresser l'enfant comme c'était leur devoir, pendant que Lady Clavering faisait un gracieux accueil à Florence Burton. Archie dit quelques mots à son oncle, et Sir Hughes daigna donner un de ses doigts à son cousin Harry sous prétexte de lui serrer la main. Puis, tout d'un coup, l'héritier présomptif se mit à crier, et un nuage couvrit aussitôt le front du père. « Hermione, dit-il, je ne sais pourquoi vous faites venir votre enfant ici, ce n'est pas sa place. Il est toujours de mauvaise humeur. Je vous ai dit 100 fois que je ne voulais pas le voir dans le salon avant dîner. » Il fit un signe à la nourrice qui s'éloigna avec son fardeau. L'enfant était frêle, chétif et sans grâce, mais c'était tout ce que possédait Lady Clavering, et la pauvre femme eût bien voulu le montrer à ses parents, comme le font les autres mères. « Hughes, dit Lady Clavering à son mari, je vais vous présenter à Miss Burton. » Sir Hughes s'avança et tendit la main à la nouvelle venue, tout en s'excusant d'être ainsi en retard. Harry, debout à ses côtés, le regardait d'un œil de colère. « Mon père a raison, » s'était-il dit en voyant que son cousin avait omis de saluer Florence à son entrée dans le salon. « Hughes est aussi impoli qu'il est désagréable. Peu m'importe que la paroisse soit informée de nos querelles. Je lui dirai ma pensée là-dessus. »« Sur mon honneur, c'est une délicieuse petite mignonne, » dit Archie en s'avançant vers Harry, après avoir serré la main à Florence. « C'est un vrai bijou, voilà mon avis. Je suis bien aise que vous en ayez cette opinion. Dites-moi un peu. » « Où l'avez-vous pêché ? On me l'a dit, mais je l'ai oublié. »« Je l'ai pêché, comme vous dites à Stratton, où demeure son père. »« Ah, je me rappelle. C'est son père qui vous a poussé dans votre nouvelle carrière, n'est-ce pas ? À ce propos, Harry, je crois que vous avez eu tort de changer de profession. À votre place, j'aurais suivi la carrière de mon père. Vous aviez traversé toutes les épreuves du noviciat, et vous le savez, le bénéfice de Clavering a toujours appartenu à un membre de la famille. » « Qu'est-ce que votre frère aura dit si je l'avais prié de me le donner ?»« Il ne vous l'aurait pas donné sans doute. On n'a rien pour rien par les temps qui courent. Les bénéfices s'achètent, comme toute autre chose. Mais vous l'auriez eu à bon compte. » »« Le fait est, Archie, que j'ai peu de goût pour la carrière ecclésiastique. »« Je crois qu'elle est assez douce. Voyez votre père. Il est un vicaire et s'épargne toute espèce de travail. Sur ma parole, si j'avais eu plutôt l'expérience que j'ai maintenant, je me serais mis sur les rangs. » Hughes n'aurait pas pu me le refuser. Mais Hughes ne peut pas le donner tant que son oncle sera en possession. C'est vrai, j'avais cette mauvaise chance contre moi. Et la vie de votre père peut bien durer autant que la mienne. Je me serais ennuyé d'attendre. Ainsi, tout est bien comme cela. Pour plus d'une raison qu'il ne disait pas, Archie Clavering ne devait pas regretter de n'être pas rentré dans les ordres. Jamais il n'avait pu venir à bout d'apprendre quoi que ce soit, à quelque peine que prissent ses maîtres. Mais en revanche, il avait montré une facilité étonnante à acquérir des connaissances pour lesquelles il n'est pas besoin de professeur. Il connaissait, par exemple, les pères et mères, les grands-pères et grand-mères, et ainsi de suite jusqu'aux générations les plus reculées de tous les chevaux fameux de son temps. Il connaissait aussi tous les détails de chaque course. Il savait quels chevaux devaient courir, quel était leur âge, le montant de l'enjeu, la durée de la course et les chances de chaque animal. En dépit de tout cela, le turf ne lui avait pas porté bonheur. Il se pouvait à l'avenir que la chance tournât en sa faveur, mais l'heure du succès dans la vie d'un parieur n'était pas encore venue pour le capitaine Archibald, bien qu'il s'y préparât de son mieux. Il n'avait pas mauvaise tournure, mais l'expression de ce visage ne témoignait guère en faveur de son caractère. Il avait la taille mince et bien prise, 5 pieds 6 pouces de haut, des cheveux châtains qui avaient déjà disparu de son front et du sommet de la tête, une fine moustache et des favoris clairs. Le trait le plus remarquable de son visage était ses yeux. Il avait les sourcils clairs et pâles, ce qui se voyait d'autant mieux que la peau du front retombait par côté sur ses yeux, et cela lui donnait un air d'astuce des plus désagréables. Il paraissait toujours occupé à méditer, à calculer les chances, à se demander s'il y avait quelque parti à tirer de telle ou telle affaire qui se présentait. Constamment, il était prêt à parier et portait sur lui un carnet à cet effet. Il pariait avec vous que le soleil ne se lèverait pas le lendemain matin, et il gagnait ou chicanait sans fin quand il avait perdu. Il avait alors environ 33 ans, 2 ans de moins que le baronnet. Sir Hughes n'était pas joueur comme son frère, ce n'est pas à dire qu'il fut pour cela un homme beaucoup plus estimable. Il était avare, toujours préoccupé de grossir son trésor, craignant de perdre ce qu'il possédait, aimant le plaisir, mais soigneux de sa santé avant tout. Il était bel homme, gentleman des pieds à la tête, et partant très goûté les personnes de sa condition, qui ne le voyaient pas assez de près pour le bien connaître, réservé dans ses paroles, fier de son nom, de son rang et de sa position, très au courant du monde, capable d'en revendre au plus fin en matière d'argent, pas ignorant du tout, bien qu'il ouvrît rarement un livre, égoïste et sans aucun égard pour les sentiments de ceux qui l'entouraient. Tels étaient les deux frères. Sir Hughes donna le bras à Florence pour la conduire à la salle à manger, et après le potage, il essaya d'entamer la conversation avec elle. « Depuis quand êtes-vous ici, Miss Burton ?»« Il y a bientôt 8 jours. »« Ah, vous êtes venue pour le mariage ?» Je n'ai pas pu m'y trouver. Je l'ai bien regretté. Cela s'est bien passé. Très bien, j'ai lieu de le croire. C'est une affaire fort ennuyeuse que ces cérémonies, n'est-ce pas votre avis? Bien loin de là. La seule chose ennuyeuse, c'est le départ de ceux qu'on aime. Je suppose que votre tour de quitter la maison va venir bientôt. Je serai la première à quitter la nôtre, car je suis la seule fille qui reste. Toutes mes sœurs sont mariées. Combien en avez-vous? J'en ai 5. Dieu du ciel, 5? Oui, et toutes ont des maris dans la même profession que Harry. C'est donc une affaire de famille, dit Sir Hughes. Harry, assis de l'autre côté de Florence, entendit cette remarque et souhaita que Florence eût gardé le silence au sujet de ses 5 sœurs. Ah ça, Harry, reprit le baronnet, si vous vous associez avec votre beau-père et vos beaux-frères, vous pourrez tenir tête au monde entier. Vous pourriez ajouter mes 4 frères, ajouta Florence, ne pensant pas qu'il y eût lieu de rougir de ce que tous étaient dans la même profession. « Dieu du ciel !» soupira encore une fois le baronnet, et après cette exclamation, il ne trouva presque plus rien à dire à Florence. C'était le recteur qui avait donné le bras à Lady Clavering, et entre deux, la conversation roula sur les affaires de la paroisse. Lady Clavering ne se donnait pas beaucoup de mal pour les pauvres, non plus que le recteur et peut-être l'un ne connaissaient pas la négligence de l'autre. Mais il pouvait néanmoins causer de la localité, et le recteur savait gré à sa voisine des efforts qu'elle faisait pour se rendre agréable. La plus mal partagée fut Mrs. Clavering, qui se trouvait assise entre Sir Hughes et son frère Archibald. Sir Hughes trouva tout juste un mot à lui dire pendant le dîner. Il aimait à croire qu'elle était contente du mariage de sa fille, et encore, tout en disant cela, son ton indiquait qu'à son avis, elle n'avait pas lieu d'être si fort satisfaite. « Je suis on ne peut plus contente, » dit Mrs. Clavering, se redressant un peu et prenant un air qu'on lui voyait bien rarement au presbytère. Là se borna sa conversation avec Sir Hughes. « Ce qu'il y a de plus fâcheux, » dit-elle le soir à son mari, « c'est que cet homme m'impatiente et me fait sortir de mon caractère. Si je restais longtemps avec lui, je crois que je deviendrais la femme la plus maussade de toute l'Angleterre. Dans ce cas, ma chère, ne restez jamais longtemps avec lui. » Archie soutint une conversation suivie pendant le dîner, et par là mit le comble aux souffrances de la pauvre Mrs. Clavering. Il n'y avait entre eux aucune communauté d'idées. Malgré cela, Archie poursuivit laborieusement sa tâche. Il s'y croyait tenu d'honneur et ne craignait pas la peine. Quand il eut épuisé le mariage de Marie, sujet qu'il avait pourtant traité avec une soigneuse économie et qu'il l'amena jusqu'au rôti de mouton, il entama le mariage de Harry. Quand devait-il avoir lieu? Où les époux devaient-ils s'établir? La fiancée avait-elle quelque argent? Quelle sorte de gens étaient les Burton? Peut-être y avait-il un moyen de se dégager? Il fit cette remarque à voix basse, après celle qui avait porté sur la question d'argent. Mais cette Clavering lui ayant répondu avec une grande vivacité qu'une pareille démarche de la part de Harry serait un malheur qui ne paraissait pas le moins du monde à redouter, il répara sa balourdise avec autant de promptitude que d'habileté. Croyait-il. Sans doute, vous avez raison. Je n'ai pas voulu dire autre chose. C'est une charmante jeune fille. C'est la perfection de tout point. Les questions d'Archie embarrassaient terriblement sa voisine, parce qu'il lui fallait une réponse à chacune d'elles. Il sentait qu'il faisait des frais pour remplir un devoir social, et comme il se le disait, il n'avait nulle intention de tirer le coche à lui seul jusqu'au haut de la colline. Aussi, après chaque coup de collier, Il attendait sa compagne, la regardait en face et semblait l'inviter à tirer aussi de son côté. Donc, avant la fin du dîner, Mrs. Clavering commença à trouver la montée un peu rude et la tâche fatigante. Au moment où Lady Clavering, d'un mouvement de tête, donna le signal aux dames de se lever, « Je vous paraissais être contraint, » s'écria Archie en guise d'adieu, « je paraissais être contraint que toute la bande soit mariée avant moi, ou au moins tout aussitôt que moi. Et cependant, je n'ai pas l'intention de rester vieux garçon. Vous pouvez m'en croire. » La bande en question comprenait Harry, Florence, Fanny, Lady Ongar et toutes les personnes dont il avait été question pendant le dîner. Mrs. Clavering n'était pas forcée d'accepter ou de refuser le pari. Il s'était déjà éloigné avant que les conditions lui en eussent été complètement expliquées. Lady Clavering, avant de quitter la salle à manger, s'arrêta un instant derrière la chaise de Harry et se pencha pour lui dire tout bas « J'ai besoin de vous parler avant votre départ. » Puis elle se retira. « Qu'est-ce que Hermione a bien pu vous dire ?» demanda Sir Hughes après avoir fermé la porte. « Tout simplement qu'elle voulait me parler. » « Elle a toujours quelques maudits secrets pour moi, » reprit Sir Hughes. « S'il est quelque chose au monde que je déteste, ce sont les secrets. » Cela n'était pourtant guère juste de la part de Sir Hughes, car c'était un homme qui tenait secrète toutes ses affaires et n'en disait jamais un mot à sa femme. Son argent était placé chez deux banquiers différents, afin qu'aucun employé de banque ne pût jamais savoir le chiffre de son avoir en argent comptant, et son homme de loi lui-même n'avait pas toutes ses confidences. Sir Hughes resta assis sur son siège, de sorte qu'après dîner son oncle se trouva assez loin de lui. Les sièges laissés par les dames restaient vides, et les assistants se trouvaient fort mal à leur aise. Il paraît que la chasse doit se prolonger encore une huitaine de jours chez les Pitchley, dit Hughes en s'adressant à son frère. Oui, tous 10 jours, paraît-il. L'état peu avancé des récoltes le permet. Je compte aller les rejoindre. Il ne faut pas songer à chasser ici après le milieu de mars. Les renards sont abondants cette année, n'est-ce pas ? Dit le recteur, essayant de prendre part à la conversation des deux frères. Sur ma parole, je n'en sais rien, dit Sir Hughes. Les renards ne manquent pas à Clavering, dit Archie, croyant de son devoir de renouer la conversation. Les chiens arriveront samedi et je parie 3 contre 1 que je trouverai un renard avant midi ou midi et demi, c'est-à-dire si les chiens veulent chercher et si on me laisse conduire la meute à ma guise. Je vous parie 1 guinée de me faire lever et d'abattre un renard, toujours pourvu que les chiens se mettent en quête d'un renard pour tout de bon. » Le recteur était bien disposé à parler un peu chasse pour soutenir la conversation, mais il n'avait nulle envie de suivre Archie sur le terrain où celui-ci voulait l'entraîner. Il laissa tomber ce sujet. « En tout cas, je ne resterai pas ici 2 jours de plus, » reprit Sir Hughes en s'adressant encore à son frère. « Faites passer le vin, Harry, s'il vous plaît. Votre père en prendra-t-il ? Non, je ne veux plus de vin, » dit le recteur, d'un ton presque fâché. « Libre à vous, » dit Hughes. « Chacun en fait à sa guise sur ce point. Pour moi, je veux une autre bouteille de claret. Archie, voulez-vous sonner, s'il vous plaît ?» Le capitaine Clavering, bien qu'il fût plus éloigné de la sonnette que son frère aîné, se leva et obéit. Le vin de Bordeaux apporté, on le but presque en silence. Le recteur, tout en ayant une très haute idée de la cape de son neveu, ne voulut pas goûter de la seconde bouteille, parce qu'il était de mauvaise humeur. Harry remplit son verre et essaya de dire quelques mots. Sir Hughes lui répondit par monosyllabes, et Archie offrit de parier 2 contre 1 qu'il avait tort. « Je vais au salon, » dit le recteur en se levant. « À votre aise, » dit Sir Hughes. « J'espère que vous y trouverez du café. Est-ce que votre père a renoncé au vin, Harry ? » dit-il quand la porte fut fermée. « Pas que je sache. » Autrefois, il vidait son verre aussi bien que pas un. L'évêque ne lui a pas interdit le vin en même temps que la chasse. J'aime à le croire. Harry ne répondit pas. « Il est mal en train, je crois, » dit Archie. « Serait-il indisposé, Harry ? » ?»« Je n'ai aucune raison de le croire. » « S'il me fallait rester à Clavering toute l'année, n'ayant rien à faire comme lui, m'est avis que je boirais force rasade de bon vin, » reprit Sir Hughes. « Je ne sais pas à quoi cela tient, ou s'il y a quelque chose dans l'air, mais tout le monde me semble terriblement maussade ici. Harry, vous non plus, vous ne prenez pas de vin. Ne vous gênez pas pour rester ici, si vous avez envie d'aller rejoindre Miss Burton. » Harry le prit au mot et se dirigea vers le salon, laissant les deux frères avec leur claret. Ceux-ci continuèrent de boire, mais ils étaient tous deux mal à leur aise. Ils restèrent bien 10 minutes sans dire un mot après le départ de Clavering. Archie avait peur de son frère, et c'était le seul homme avec qui il n'offrit jamais de parier. Hughes lui en avait depuis longtemps ôté l'envie. « Archie, lui dit-il un jour, persuadez-vous bien qu'il n'y a pas un sou à gagner avec moi. Dans tous les cas, ce n'est pas vous qui m'en gagnerez. Si vous veniez à perdre avec moi, vous ne croiriez pas obligé de payer, et à coup sûr, je ne perdrai jamais avec vous. » Cette habitude de proposer des paris était devenue tellement machinale chez Archie que le plus souvent il n'avait aucune intention de spéculer, mais avec son frère, il y avait tout à fait renoncé. Entamait-il quelques conversations avec Hughes, c'était presque toujours dans un but intéressé. Ou il avait besoin d'une avance d'argent, ou une faveur à solliciter, ou il voulait emprunter un cheval. Dans ces cas-là, quand il voulait ouvrir une négociation, il mettait en œuvre sa diplomatie habituelle. Mais il savait bien que son frère devinerait ses manœuvres et les démasquerait avant qu'il eût fini d'exposer son affaire. Aussi avait-il véritablement peur de lui. « Je ne sais pas ce qu'a mon oncle depuis quelque temps, » dit Hughes au bout d'un moment. « Je crois que je serai obligé de les laisser tous de côté, au presbytère. » Il n'a jamais été grand causeur, mais il a une manière de s'exprimer sans parler que je ne veux pas tolérer davantage à ma table. Le fait est qu'il gâte leur affaire dans cette famille. La fille aînée ne vient-elle pas d'épouser un vicaire? Fielding a un bénéfice. Cela doit être bien peu de choses. Et puis voilà Fanny qui va épouser ce faquin qu'ils ont pour vicaire. Mon oncle ne fait jamais son ouvrage, et voilà Harry qui va faire aussi une folie à son tour. J'aurais cru qu'il montrerait plus de bon sens dans sa conduite. C'est un garçon habile. Eh bien, alors pourquoi commettre la sottise d'épouser une fille pareille, sans argent, sans beauté, sans éducation? Bien vous en prend, qu'il soit aussi sot, autrement il ne vous resterait guère de chance. Pourquoi donc cela, dit Archie. Julie a toujours nourri une folle tendresse pour Harry, et s'il avait voulu attendre, elle serait à lui maintenant. Elle était autrefois bien près de l'épouser, avant de connaître Lord Ongar. Archie ne répondit pas, mais son teint se colora, et l'on peut presque dire qu'il rougit. Quelle était la raison de cette émotion? Il faut, pour la comprendre, savoir ce qui se passa dans le petit salon le même soir un peu plus tard. Harry, en entrant au salon, s'approcha de Lady Clavering, mais elle ne lui dit alors rien de particulier. Elle causait alors avec Mrs. Clavering pendant que le recteur lisait ou faisait semblant de lire une revue et que les deux jeunes filles babillaient ensemble dans un coin de la pièce. On prit le café et par après Hughes et son frère quittèrent leur bouteille pour venir au salon. Lady Clavering ne bougea pas d'abord, mais dès que Sir Hughes se fut approché de Mrs. Clavering et lui dit un mot, elle saisit l'occasion pour se lever et quitter la pièce. Quelques instants après, Henry se trouva en tête à tête avec elle dans un petit boudoir voisin du salon, bien que les portes restassent ouvertes. Savez-vous, dit Lady Clavering, que Sir Hughes a invité Julie à venir ici? Harry se tut un instant et finit par avouer qu'il le savait. J'aime à croire que vous ne lui avez pas conseillé de refuser. Moi, assurément non, elle ne m'a pas demandé mon avis. Mais elle a refusé. Ne croyez-vous pas qu'elle a eu bien tort? C'est difficile à dire, répondit Harry, vous le savez. Je trouvais qu'il y avait de la cruauté de la part de Hughes à ne pas la recevoir chez lui quand elle est revenue. À sa place, je serais allé au-devant d'elle à Paris. Il ne sert à rien de parler de cela maintenant, Harry. Hughes est dur, nous le savons tous. Qui en souffre le plus, à votre avis? Est-ce Julie ou moi? Mais puisqu'il a changé de sentiment, qu'a-t-elle à gagner à refuser des avances? Ne ferait-elle pas mieux de venir ici? Je ne vois pas qu'elle ait beaucoup à y gagner, Harry. Savez-vous que nous avons un projet? Que voulez-vous dire par ce « nous » demanda Harry, mais elle continua sans faire attention à sa question. « Je vous confie le secret parce que je crois que vous pourrez nous aider beaucoup plus que tout autre, si vous voulez vous y prêter, si vous n'étiez pas fiancé à Miss Burton. Je ne vous en aurais pas parlé, et sans cela, je puis bien l'ajouter, notre projet serait irréalisable. »« Quel est ce projet ?» demanda Harry d'un ton très grave. Il avait déjà un vague pressentiment de ce que ce pouvait être depuis qu'il avait entendu les dernières paroles de Lady Clavering. « Ne serait-il pas désiré, reprit-elle, que Julie et Archie devinssent mariés et femmes ?» Elle fit cette question d'une voix brève, hésitante, tout en le regardant attentivement en face, et puis elle détourna les yeux comme si elle eût peur de la réponse qu'elle pourrait lire sur son visage. « Je sais bien, ajouta-t-elle, que vous l'avez aimé, mais qu'est-ce que cela peut vous faire à présent ?» « En effet, dit Harry, cela ne peut rien me faire. Eh bien, pourquoi Archie n'obtiendrait-il pas sa main? Nous en serions tous satisfaits. J'ai dit à Archie que je vous en parlerai, parce que je sais que vous avez plus d'influence sur elle qu'aucun de nous. Mais Hughes n'a pas su mon intention. Sir Hughes est-il au courant de ce projet? Comment? C'est lui qui l'a conçu. Archie sera presque ruiné quand il aura réglé tous ses comptes avec Hughes. Naturellement, la fortune de Julie resterait entre ses mains. On n'a aucune envie de lui en ôter la direction. Mais ce mariage améliorerait beaucoup la position d'Archie. Cela le remettrait à flot. « C'est vrai, dit Harry, j'en conviens, cela le remettrait à flot. Eh bien, pourquoi la chose ne se ferait-elle pas? Elle ne peut pas toujours rester veuve, et puis il va de soi qu'elle n'a jamais pu aimer Lord Ongar. Jamais, en effet, c'est mon avis. Archie, vous le savez, est une bonne nature, il a bon caractère et bonne tournure. N'est-ce pas votre avis? Je crois que c'est exactement ce qu'il lui faut. Elle sera la maîtresse dans son ménage, car Archie ne ressemble aucunement à son frère Hughes. Il n'est pas aussi intelligent que lui, mais il a bien meilleur caractère. Dites-moi, Harry, ne serait-ce pas un excellent arrangement ? » Et de nouveau, elle dirigea sur lui un regard plein d'inquiétude. Dans toute cette affaire, ce qui surprenait le plus Harry, c'était l'empressement qu'elle mettait à soutenir le projet en question. Pourquoi voulait-elle sacrifier sa sœur de cette manière ? Mais en s'adressant cette question, il oubliait la position de Lady Clavering. Le besoin où elle était d'avoir une amie près d'elle pour la consoler et la soutenir. Elle avait dit vrai, en affirmant que son mari avait conçu l'idée de ce projet. Mais depuis qu'il lui en avait fait part, elle n'avait cessé d'y penser et d'en souhaiter la réalisation. « Eh bien, Harry, qu'en dites-vous » reprit-elle. « Je ne vois pas que j'ai rien à en dire. »« Mais si, et je sais que vous pouvez nous être d'un grand secours. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a déclaré que vous étiez le seul membre de la famille qu'elle tint à revoir. » Sans doute elle me comptait aussi, mais il va sans dire qu'elle ne pensait pas du tout à Archie. Je sais, je vous le répète, que vous pouvez nous aider à réaliser nos plans. Dois-je lui conseiller d'épouser Archie Clavering? Non, pas précisément. Je crois que cela ne réussirait guère. Mais vous pourriez la décider à venir ici. Je crois qu'elle viendrait si vous le lui conseillez. Et dans la suite, au bout de quelque temps, vous pourriez glisser un mot en faveur de mon beau-frère. Sur ma parole, je ne pourrais faire rien de semblable. « Pourquoi pas, Harry? Je sais qu'il ne pourrait la rendre heureuse. Qu'a-t-elle à gagner à un pareil mariage? Pensez à sa position. Personne ne voudra lui rendre visite avant qu'elle ait été reçue chez nous, ou à moins qu'elle ne vienne nous voir en ville. Savez-vous que Lord Ongar, à une époque, avait tout à fait l'intention de divorcer avec elle? Et croyez-vous qu'elle fût coupable? Je ne dis pas cela. Non, assurément. Pourquoi devrais-je ajouter foi à des bruits qui courent sur ma sœur lorsque rien n'est prouvé? Mais... si le monde le croit, mon opinion n'y fait rien du tout. On dit maintenant que si son mari avait vécu 3 mois de plus, elle n'aurait pas hérité de sa fortune. Eh bien, on la calomnie. Qui sont les gens qui parlent ainsi? Un groupe de vieilles femmes médisantes qui sont enchantées d'avoir quelqu'un à déchirer, une réputation à salir. Je vous dis que c'est pure calomnie, Lady Clavering. Mais qu'est-ce que cela y fait, Harry? Voilà le cas où elle se trouve et l'on n'empêchera pas les gens de causer. Ce qu'elle a de mieux à faire est de se remarier, et si elle voulait prendre Archie, mon beau-frère, il y aurait une fin à tous ces commérages. Elle pourrait alors se présenter partout, et moi, sa sœur, c'est là le conseil que je lui donnerais. Le front de Harry s'assombrit, et la colère animait visiblement son visage quand il répondit. « Lady Clavering, votre sœur n'épousera jamais mon cousin Archie. Je regarde la chose comme impossible. Peut-être, Harry, vous-même, vous ne le désirez pas. Et pourquoi le souhaiterais-je? C'est votre cousin. Vraiment, mon cousin. Dites-moi, quelle raison ai-je de le souhaiter ou de ne pas le souhaiter? Ils ne me sont rien, ni l'un ni l'autre. Elle ne peut rien être pour vous en ce moment. Eh bien, elle ne m'est rien du tout. Pour ce qui me concerne, elle peut épouser Archie quand elle le voudra. Ce n'est pas moi qui m'y opposerai. Mais Lady Clavering, vous pourriez aussi bien conseiller à votre beau-frère de prendre la lune avec les dents. Vous ne connaissez pas votre sœur, il me semble, quand vous croyez possible un pareil mariage. « Hermione !» cria Sir Hughes de cette voix retentissante qui faisait toujours trembler Lady Clavering. « J'y vais !» répondit-elle en se levant. « Ne faites rien contre ce projet, Harry, je vous en prie. » Et sans attendre sa réponse, elle accourut à la voix de son mari. « Qu'est-ce qui peut bien me retenir là-bas » lui dit-il. Il était évident que les choses ne s'étaient pas bien passées dans le grand salon. Le recteur avait tenu les yeux fixés sur sa revue sans faire aucune attention à Sir Hughes quand celui-ci était entré. « Vous semblez prendre un vif intérêt à ce livre, et cela tout à coup. avait dit Sir Hughes, après être resté quelque temps debout devant la cheminée. « C'est vrai, » avait répondu le recteur. « Pour le moment, il m'intéresse vivement. » « Alors ce goût vous a pris tout récemment, ou bien ce que l'on dit de vous serait très contraire à la vérité ?»« Hughes, » dit M. Clavering, se levant lentement de son fauteuil, « je ne viens pas souvent de la maison de mon père, mais quand j'y viens, j'entends être traité avec respect. Vous êtes le seul de la paroisse qui manque toujours aux égards qui me sont dus. »« Allons donc, vous plaisantez, » répondit Sir Hughes. Les deux jeunes filles étaient toutes tremblantes dans leur coin, et la pauvre Florence commençait à se faire une triste idée de ses futurs parents. Archie fit un effort désespéré pour entamer avec Mrs. Clavering une conversation sur la pluie et le beau temps. Mais celle-ci, sans faire la moindre attention à ce qu'on lui disait, regardait son mari d'un air suppliant. « Henry, lui dit-elle, ne vous emportez pas, je vous en prie. À quoi cela sert-il ? » ?»« À rien du tout, dit-il en reprenant son livre. Absolument à rien. » Et il se tut. Ce fut à ce moment critique que Sir Hughes avait tenté une diversion en appelant sa femme. « Vous me feriez plaisir, lui dit-il, de rester avec nous, et de ne pas vous éclipser ainsi pour causer avec une seule personne de la compagnie. » Lady Clavering promena un regard sur tout le monde et vit que les choses allaient mal. « Archie, dit-elle, voulez-vous sonner pour qu'on apporte le thé ?» Archie sonna, on apporta le thé, chacun prit une tasse à peu près en silence. Harry, pendant ce temps-là, songeait à ce que venait de lui dire Lady Clavering. « Quoi ? Archie Clavering épouserait Lady Ongar ? Épouserait sa Julie ? C'était impossible. » L'idée seule de ce mariage faisait bouillir son sang. La colère s'allumait dans son cœur à la pensée qu'on eut recours à ce moyen pour rendre à Lady Ongar la place qu'elle méritait dans l'opinion du monde. Mais, se disait Harry, ce serait là le comble de la honte. Il savait, du reste, que c'était impossible. Il se figurait d'avance l'attitude que prendrait Julie le jour où Archie s'approcherait d'elle pour lui faire une pareille proposition. Archie, son mari! Il n'y avait pas un homme au monde qui lui inspira en ce moment un plus profond mépris que son cousin Archibald Clavering. J'aimerais à croire que son indignation ne naissait d'aucune préoccupation personnelle et qu'il n'aurait pas éprouvé à l'égard de tout autre mari proposé pour Lady Ongar les sentiments que lui inspirait le pauvre Archibald. Je voudrais le croire, mais je crains bien qu'il n'eût quelque arrière-pensée. Et très probablement, tout parti en perspective pour Lady Ongar, choisi par elle ou par d'autres pour elle, eût inspiré à Harry la même irrésistible répugnance. Il savait bien que Lady Ongar ne pouvait plus rien être pour lui. Et cependant, quand il entra dans le grand salon, il avait une blessure au cœur, et cette blessure avait été faite par la pensée qu'on s'occupait d'un second mariage pour Lady Ongar. Florence l'accueillit avec un sourire quand il s'approcha d'elle. Mais je doute qu'elle eût souri, s'il avait connu ce qui se passait dans son cœur. Quelques instants après, Mrs. Clavering se leva pour retourner au presbytère, après avoir accepté une amende honorable sous la forme d'une tasse de thé. Mais bien que le thé fût venu à propos pour calmer l'orage prêt à se déchaîner dans le salon, le calme n'était pas rentré dans l'âme du recteur. Il serra la main avec une amitié cordiale à Lady Clavering, sans aucune aigreur à Archibald, et puis il tendit trois doigts au baronnet. Celui-ci n'entendit qu'un seul. Tous deux s'inclinèrent et ce fut là leur adieu. Harry, qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé et que préoccupaient encore les paroles de Lady Clavering, s'occupa de Florence et ils furent bientôt tous dehors, sur la grande avenue qui conduisait à la porte principale du château. « Je ne remettrai jamais le pied dans cette maison, » dit le recteur, « quand je saurai que Sir Hugh Clavering s'y trouve. »« Allons, Henry, » dit sa femme, « pas de serment téméraire. »« Je fais ce serment, » reprit le recteur, « il n'a rien de téméraire. » Je ne veux jamais plus rentrer dans cette maison comme l'hôte de mon neveu. J'ai pris patience pendant longtemps pour conserver la paix, mais la patience a des limites. Pendant la route, les deux jeunes filles racontèrent à Harry ce qui s'était passé dans le grand salon pendant qu'il causait avec Lady Clavering. Lui ne leur dit pas un mot au sujet de la conversation qu'il avait eue avec elles.